Couillonavant, il redémarre tout seul, il veut plus s'arrêter. C'est formidable. Bonsoir, tous les canards vont à la marée, nous sommes ensemble jusque 22h. Ouais. On démarrait cette nouvelle émission. 398 308. 308. Oh, oh. Je ne sais plus. Tu nous vieillis déjà. Je ne sais plus où on en est. Avec Tom Petty. Paix à son âme. A Higher Place. Sur l'album Wild of Flowers qui sortait en 93. C'est la période pleine bourre pour Tom Petty. Hein, fin des années 80 et début des années 90 comme ça. Wild Flowers, c'est son premier album solo. Avant, il était avec ses Heartbreakers. Et Tom Petty, bah oui, tout le monde en a parlé. Donc on en parle un petit peu aussi. Juste un petit peu. Il ne faut pas plus. J'ai envie de dire un bon gars. Enfin, un bon gars que je ne connaissais pas personnellement, mais en tout cas... Il avait l'air. Il avait l'air d'un bon gars. Un peu l'ouvrier du rock, comme ça. Celui qui vient dépanner quand il faut. Et qui ne fait pas trop de bruit. D'ailleurs, il est décédé d'une crise cardiaque. Ben, il n'a pas fait de bruit. Voilà. On se souviendra quand même d'un projet avec les... avec quand même, excusez du peu. Un projet qui s'appelait les Traveling Wilburys. Ça, c'est tout à fait début 90. Je disais, la période de l'État Blainbourg. Un espèce de super groupe avec, excusez du peu, Jeff Lynne d'Electric Light Orchestra, Roy Orbison, Bob Dylan et George Harrison. Ouais, c'est pas étonnant. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, c'est pas étonnant. Voilà. Bon, sympathique, quoi. Allez, au programme aujourd'hui. Album de la semaine. C'est ça. La revue de Korenko. Le fil rouge. On sera dans le local pour Korenko. Ah. Ouais. Ouais, le fil rouge, donc. Ouais. Bon, attention, on a une spéciale. C'est ça. C'est ça. Mais hein. Il a disparu, le spécial. On a une spéciale qui a disparu. Mais on a un invité spécial. C'est ça. Un reporter chevronné, qui est souvent discret à l'antenne, mais pour une fois, nous fait le plaisir de partager ses bons moments à lui, à l'antenne avec nous. Ça sera après 20h30, on ne vous le présente pas encore maintenant, sauf si vous avez suivi un petit peu sur les réseaux sociaux. Quoique, on est resté un peu discret quand même. C'est vrai, mais c'était la surprise du soir. On va donc parler du Dour Festival en tout début octobre, c'est tout à fait normal. On ne fait rien comme les autres. Hein. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi ça changerait. Et puis il y aura quand même Books on the Radio, non? Oui. Hein. On va parler bouquin à 9h. On va parler bouquin à 9h, il est là. Bon, allez, ça c'est bien, ça c'est bien. C'est pas tout ça, mais en attendant, il y a des choses sérieuses à faire et à dire, I suppose. L'ironie du primate, humour Louis-Philippard, le sarcasme prud'homesque. Monsieur Naudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Album de la semaine, donc. Oui. Et on part en France. Ah bah ça va, c'est pas trop loin. Non, c'est pas trop loin. Et on part à Rouen, même. Oh, ouais. Oh, ouais. C'est pas trop loin non plus. Non, non, ça va. Avec un trio qui s'appelle Cerveau. Ah oui. Voilà, non. S-E-R-V-O. On en a parlé. On en a parlé il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Hein. Ouais, ouais, si. Voilà. Ils avaient sorti un album en 2016. Mm-hmm. Excusez pour le retard. Ça arrive. Ça s'appelle The Lair of Gods. C'est leur premier album. Trio composé de Arthur Pierre à la guitare et au chant, de Louis Hubert à la basse et au chant, et Hugo Magontier à la batterie et au chant. Ils chantent tous là-dedans. C'est bien. Un bon petit trio pop, quoi. Pop. Bah, je sais pas, ils chantent tous, t'as dit. Ils chantent tous, ça veut pas dire que c'est de la pop, loin de là. De Lair of Gods, et on va écouter un premier extrait. C'est grâce à ce clip d'ailleurs que je les ai découverts, puisque ce morceau vient d'être clippé, ça s'appelle Tree Cerveau. C'est parti. Thank you. extrait de l'album de la semaine de l'Air of Gods. Niam. Du groupe Cerveau. C'était le morceau Tree. Ouais. Alors Cerveau qui donc a sorti cet album l'année passée a quand même fait entre deux la première partie des TOCs. Ah oh ouais, c'est normal. Enfin, c'est normal. On peut le comprendre. Et ils font notamment partie d'un collectif de Rouen qui s'appelle Sosa. Mmh. Voilà, qui amène en fait les cultures alternatives à connaître au grand public. Et on retrouve notamment dans ce collectif Greffel, Alma Alta, oui. Lasco et Mannequin. Et avec Cerveau, ils ont repris notamment un Wicked Game. Ah ouais, de Monsieur Chris Isaac, voilà. vous pouvez retrouver en fait le clip entre guillemets, puisque ça a été filmé notamment dans une revue qui t'est chère, Gonzaï. Ah oui. Voilà. Ou encore Noise Mag. Donc allez découvrir ça. Ah, allez. Ouais. C'est passé chez Gonzaï, ça. C'est passé chez Gonzaï, tout à bah, fait. J'ai ouais. pas vu, tu vois comme quoi. Tu pourras aller voir. Tout peut arriver. Allez, deuxième extrait pour cet album de l'Air of Gods, on va écouter Fear and Love. We'll be right back. Le piège de tous les chroniqueurs. Le groupe s'appelle Porn. Mm-hmm. Et évidemment, quand tu cherches Porn, bon, tu ne trouves pas forcément un groupe de musique en premier. C'est déjà leur cinquième album qui va sortir. Ça s'appelle The Ogre Inside, album qui arrive le 20 octobre prochain. Ils sont français, on écoutait Close the Window. Et petite surprise quand même, parce que ça peut paraître être un décalque comme ça, un peu Frenchie de KMFDM dans les meilleurs moments et de Marilyn Manson pour la copie. Et ben, dans les deux cas, ça va un peu plus loin que ça pour cet album qui sera un bon cru rayon Metal Indus à l'ancienne en 2017. À mon avis, ce disque devrait figurer bien dans les tops. Voilà. D'accord. Ce titre est un peu trompeur. On attend la suite. Voilà. Donc. Bon, hein ? Allez, fil rouge. Le fil rouge. On continue donc avec Leonard Cohen. Nous sommes en 1968. Leonard Cohen a connu un succès avec Suzanne. Mm-hmm. Et il va se faire remarquer surtout par John Hammond, qui détient en fait les studios Columbia à l'époque. Et donc, il va l'inviter à venir enregistrer son prochain album, qui s'appelle Songs from a Room. Mm-hmm. Voilà. Qui sera notamment produit par John Simon, qui s'occupe notamment de Bob Dylan, Johnny Cash ou encore Simon & Garfunkel. Ouais, excusez du peu. Un gars qui se mettait un petit peu dans les fouilles à l'époque, à mon avis. C'est ça. Ouais. Un petit peu dans le country aussi. C'est ça. Légèrement. Ouais. Voilà. Et c'est aussi à ce moment-là que Leonard Cohen va déménager en fait de New York et qui va partir dans le Tennessee, dans une énorme ferme où il produira notamment quelques démos pour ses futurs albums. Bien. Voilà. Au calme comme ça. C'est ça. Mmh. Allez, extrait de ce Songs from a Room, on va écouter un morceau qui est quand même assez connu, ça s'appelle The Partisan. Mais oui. Quand même. Quand même. Allons-y. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. Dans un grenier. la nuit nous a caché, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Oh, the wind is blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Allez, 20h30, c'est l'heure du petit retour de la semaine sur les musiques brillantes et agitées en compagnie du webzine Korenko, évidemment. Que s'est-il passé dans l'actualité ? Black Label Society, ça dit quelque chose ? Oui. Voilà, qui revient avec un nouvel album qui va s'appeler Grimmest Hit. Rigolo, non ? Mm-hmm. Enfin, il se voulait drôle, sans doute. Il y a des chances. Grimmest Hits, à la place de Greatest, évidemment. Ça sortira quand même le 19 janvier 2018, mais il y a plein de choses qui sont engagées là-dedans. Il y aura 12 titres là-dessus. Il y aura un merchandising, à mon avis, assez conséquent. Et il y a déjà une vidéo plus ou moins amusante qui circule sur le net, voilà, qu'on peut retrouver, bien évidemment, sur le site de Korenko, voilà, tout simplement. Nouveau clip également pour Cold Orange, pour le titre de Mud. C'était une semaine plutôt calme et donc on a vu pas mal de vidéos passer sur des groupes qui ont joué pendant l'été. Mm-hmm. Je dis ça parce que ça tombe bien, juste après cette séquence, on a un invité qui va parler d'un festival et qui va donc nous parler un peu de l'été. Tu vois, j'essaie de faire des raccourcis là où il y en a, là où il y en a peut-être pas d'ailleurs. Napalm Death notamment à Glastonbury en 2017, eh bien, il y a la performance qui était visible et qui est liée toujours évidemment. C'est du Napalm Death, comme on connaît Napalm Death tout simplement quoi. Et là, c'était Born to be Wild. Five Finger Death Punch qui s'invite dans une vidéo qui singe un peu Danse avec les Stars pour le titre Ain't My Last Dance. Bon, soit, c'est du Five Finger Death Punch, tout simplement. Le clip et le groupe de mauvais goût de la semaine. Mm-hmm. Ça s'appelle Bosch. Mon Dieu. B-O-S-C-H. C'est un groupe allemand, j'invente rien, et ils ont sorti un album qui s'appelle Flesh Wolf. Mm-hmm. Ça sort tout prochainement, hein, ça sort le 13 octobre, donc c'est la semaine prochaine. Je pense que tous les clichés qu'on peut retrouver dans un clip, dans un film par exemple, quand Rob Zombie fait ça de manière esthétique en plus. Ouais. Là c'est mal fait. Et donc tout est dans ces 4 minutes, c'est vraiment assez abominable, mais bon. Voilà, je suis sûr qu'il y a des gens qui aiment bien quand même. Sinon, la grosse nouvelle évidemment, c'est que Phil Anselmo, que tout le monde prédisait mort ou est enterré et disparu, reste tout à fait hyperactif, puisqu'il a réactivé pour de bon Down. Qu'il bosse toujours sur Super Joint Escower et qu'il lance un nouveau projet qui va s'appeler M Mirror dans une veine à la Cure et Oula. Sister of Mercy. En Oula. Tout cas, c'est annoncé comme ça. Je finance le mot de Pantera qui fait du Sister of Mercy. Je veux voir ça. Je veux l'entendre aussi. Ouais, quand même. Hein, ça... Mais on l'entendre d'abord. Après. Moi, le voir, ouais. On verra bien, on verra bien. Et puis, évidemment, les vétérans, toujours là. Cavalera Conspiracy qui va sortir un nouvel album. Qui va s'appeler Psychosis, ça sortira au mois de novembre prochain. Morbid Angel, pareil. Bref, les petits gènes toujours d'attaque, ça c'est bien quoi. Allez, on s'arrête sur. On va parler local, les produits locaux, oui. C'est important. Il faut soutenir le commerce local. Et cette semaine, il y a Adolina qui était chroniquée chez Korenko par Touken pour leur album Drake Hunter. On en a un peu parlé ici. Ben, c'est l'occasion de revenir sur ce disque qui sortait cette année. Adolina qui reste dans finalement ce qu'ils savent faire de mieux de l'Adolina, à savoir un rock typé 90s, quelque part entre Reisinger, Fugazi, qui sont quand même toujours deux influences très prégnantes. Bien sûr, les groupes du cru maintenant, Gentle Velcunt, etc. On est un peu dans ce monde-là. C'est très très riche au niveau de la production. Forcément, c'est pas Hollywood qui produit, hein. Donc on fait avec les moyens du bord, mais ça reste toujours de bonne qualité avec des bons titres, dont ce Médiocratie, Drake Hunter pour Adolina, c'est parti. Et tout de suite après, un peu de musique et on va vous parler du festival de Dour avec notre invité qui trépigne d'impatience. Ou presque. Il s'agit. Allez, c'est parti. Adolina, Médiocratie. We'll be right back. canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous. RQC. We'll be right back. Allez, dans les canards, on aime bien faire plaisir. Donc on a un invité, on lui fait plaisir. On espère en tout cas Pork Soda, premier album ou deuxième album pour Primus, me semble-t-il. En 93, on écoutait l'excellent Mr. Crinkle, évidemment, qui est un hymne presque. Salut Justin. Ben, salut et merci. C'est vrai qu'on n'entend pas souvent Primus et donc ça fait toujours plaisir lorsqu'un morceau ressort. Ouais. Et qu'on se rappelle aussi de la qualité finalement de. Voilà, ça vieillit vraiment bien. Oui, voilà, c'est ça. On en parlait un peu pendant l'interruption, mais c'est un groupe qui passe à travers tout comme ça en gardant son identité, quoi, son style. Bon, voilà. Son univers. Son univers. Et un nouvel album donc à venir. Hein, ah ben voilà. De Primus, j'en profite hein, pour les fans. qui s'appelle quoi de Desaturating, désolé pour l'accent, Desaturating 7. Ah ben voilà. Voilà. Message est passé. Et qui est sorti le 29 septembre, on est à fond dans l'actu. Ah, il est déjà sorti. Voilà, pardon, c'est ça, il allait sortir il y a quelques semaines, mais le temps passe. D'ailleurs, nous voilà en octobre et on parle du Dour Festival. Du Dour Festival, c'est d'ailleurs pour ça que bah, t'es avec nous ce soir, parce que en présentant dans l'introduction, je disais que t'étais un reporter chevronné, ce qui est vrai, mais on n'a pas souvent l'occasion d'échanger finalement sur les pièces que tu nous rapportes. Puisque Justin nous rapporte des pièces à l'antenne. Tout à fait. Voilà, dans différents formats et tout ça. Et là, c'était sous la casquette du festivalier, du reporter, de l'amateur de musique, du touriste. Je crois que, non, alors ça dépend un peu. C'est vrai que c'est agréable de pouvoir accéder aux coulisses. Hein. C'est toujours quand même... ça fait toujours peut-être un peu rêver. On voit toujours les choses d'un autre côté. Mais c'est vrai qu'on pense qu'être reporter à Dour, c'est la belle vie. Mais finalement, tout le temps qu'on passe à faire des interviews, finalement, on ne passe pas à voir les concerts. Et déjà, Dour, comme ça, c'est très difficile. C'est plein de dilemmes tout le temps. Puis, il faut quand même être à moitié présentable pour interroger des artistes. Il faut avoir dormi un peu. Donc, souvent, le choix, d'ailleurs, cette année, c'était très calme. C'était couché avant minuit, parfois. Bon, alors, on ne rajeunit pas aussi, hein, tu me diras. Mais c'est sûr que, on ne sait pas faire Dour en tant que avec toutes les casquettes, quoi. Il faut en choisir une. Et puis, cette année, c'était en effet reporter. Et ça a bien marché, c'était chouette. D'année en année aussi, on s'habitue. Hein. Ouais. Et donc, voilà. C'est... Ça fait combien de temps, en fait, que... Enfin, déjà, toi, en tant que personne, que tu vas à Dour, et puis qu'à un moment donné, t'as commencé à travailler, parce que c'est quand même un travail que tu réalises. Bien sûr. Et la différence, je dirais, entre les deux positions, dormir plus tôt, du coup. Oui, alors, c'est sûr que... je crois que mon premier Dour, c'était 2003. Donc, ça, nous rajeunit pas. Hein. J'en serai au 15e. Je pense même que mon premier concert, c'était Dionysos à Dour 2003, je crois, enfin bref. Et c'était en tant que festivalier, en effet. Et donc, ça a duré... Je crois que j'ai entamé... j'avais fait le stage à Dour, donc je l'avais déjà vu d'un autre point de vue aussi. Et je crois que j'ai pu venir en presse pour la première fois en 2009 ou en 2010. Mmh. Et alors, donc, c'est vrai qu'en tant que festivalier, on est très libre, on fait ce qu'on veut, mais on reste très... très lié à la vie de festivalier du festival. Pour la presse, il y a quand même quelques aménagements. Mais le problème, comme je disais, c'est qu'il faut travailler. Donc, bien sûr, on n'en profite qu'à moitié, parce qu'on est chaque fois en train de préparer quelque chose. On a un planning qui nous permet de contacter les artistes directement sur place. Ce qui est assez chouette, parce que c'est très spontané. On peut croiser un artiste tout d'un coup qui passe par là et lui dire « Tiens, tu veux bien répondre à mes questions ?» Et ce qui n'est pas possible dans tous les autres festivals, ça, c'est ça qui est très chouette à Dour, c'est que... Bon, les artistes qui veulent pas venir dans l'espace presse n'y viennent pas, mais ceux qui sont là sont quand même très accessibles. Tout ça fait que les journées passent très vite et que les concerts finalement sont très rares. Au point que cette année, en voyant la programmation, je pleure un peu en voyant tout ce que j'ai raté. Mais voilà, c'est le jeu. On choisit une casquette et puis on l'assume. C'était très bien cette année dans le service presse également. Ouais, on entend l'accessibilité qui est toujours là parce qu'on reproche, il y a plusieurs années maintenant que je n'y suis plus à Dour, mais on entend, c'est plus comme avant, ça a changé, c'est devenu... une grosse machine plus qu'avant. Voilà, grosse machine, c'est plus friqué, Comment tu vois ça sur 15 ans C'est vrai qu'il n'y a aucun doute, le festival a beaucoup changé par rapport à l'esprit rock convivial des années 90, que moi j'ai pas connu, mais qu'on m'a raconté. et que moi j'ai connu. Et que les anciens racontent, et souvent certains en parlent avec nostalgie. Hein. Bon, il y a encore Pompon là qui présente des groupes, même parfois des groupes électro, qui semblent pas du tout être dans son registre, on va dire. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une sorte de vieux Dour qui se heurte au nouveau. Maintenant, je pense que Dour a toujours été un festival qui était un peu aux avant-postes, quoi, et qui cherchait à défricher. Et finalement, je trouve que le festival fait simplement que précéder ou suivre la tendance de l'industrie musicale dans son ensemble, quoi. Et c'est vrai que les jeunes aujourd'hui écoutent moins de concerts, ils vont plus voir des groupes dansants. Ouais. Dour c'est adapté à ça, puis on est aussi dans un contexte peut-être de marché, c'est triste à dire, hein, donc, mais voilà, il y a d'autres festivals, d'autres offres, et Dour doit se positionner dans tout ça, et finalement, voilà, Dour offre un produit, et chaque festival finalement, on n'est plus dans l'expérience Woodstock, où c'était liberté, gratuité, sexe, rock'n'roll, enfin bon, sexe, rock'n'roll peut-être encore un peu, mais je crois qu'on est quand même, je crois que la chose a quand même été bien récupérée, et que tous les festivals finalement sont devenus... très capitalistes, sont devenus, c'est du commerce en fait, tout simplement. Et voilà, c'est, en effet, c'est triste. Et en même temps, voilà, le paysage, l'industrie musicale est déjà complètement déstabilisée, je pense, depuis une dizaine d'années, enfin 5-10 ans. Et donc, le fait qu'il y ait quand même encore des festivals qui subsistent et que finalement, on peut encore retrouver des expériences collectives, musicales, voilà, c'est déjà ça. Et que la programmation évolue vers des groupes où on a moins de guitares, parce que c'était vrai que c'est quelque chose qu'on entendait beaucoup cette année. Les guitares ont disparu, où sont les guitares? C'est la question, mais where is the guitar? Mais il y en avait, hein, mais c'est sûr que la proportion n'est plus du tout la même, mais je crois que ça correspond aussi au nombre de vues YouTube, à l'audimat, quoi. Donc on est aussi dans quelque chose d'assez formaté, mais qui fonctionne, hein, donc... Et c'est vrai qu'il y a des festivals qui ont disparu. Hein. On pense que faire un festival en Belgique, c'est aussi quelque chose qui est une mine d'or et qui fonctionne. Mais y en a qui se cassent les dents. Et la survie n'est pas forcément assurée, je crois, même quand on est le Dour Festival. Donc c'est vrai qu'à un moment, il y a des choses auxquelles j'imagine qu'on réfléchit. Et voilà. On annonce la mort, je disais ça ce week-end, du Groove Rock Festival, qui était un des plus vieux festivals en Belgique. Et qui va faire une version plus ou moins indoor l'an prochain, avec le succès qu'il connaîtra, soit, mais voilà. Alors, poliment, c'est moque de bénévoles, ça c'est un peu. Et puis quand on grave un petit peu, ça a changé au niveau de la tête des gens qui sont là derrière, et qui ont probablement d'autres envies de démarrer autre chose, et puis voilà quoi. Dour ne surfe pas sur la nostalgie, parce que dans les festivals qui marchent, puisqu'on parlait un peu des festivals, il y a quand même encore à Lokeren, le Kersfesten, où là on s'appuie sur une programmation avec des vieux machins. C'est ça, pour des vieux et des nouveaux, hein. C'est un mélange quand même. Ouais. C'est un mélange, mais ça reste une grosse machine quand même quand tu vois les têtes d'affiche. Alice Cooper, Marilyn Manson, dans le temps New Order, enfin voilà. Oui, c'est vrai. On est sûr que ça va ramener des gens. Mais c'est vrai que je pense que Dour s'est aussi à un moment positionné en défricheur de talent. Enfin, dans les années 90 peut-être pas, mais à partir du début 2000, l'idée était quand même toujours de trouver les nouvelles choses. Et du coup, forcément, si ce que les gens écoutent, si les nouvelles choses sont électroniques, sont dansantes, sont rap, et bien forcément, je crois qu'ils n'ont pas, non plus le choix. S'ils font un Dour entièrement rock, sans doute que ça marchera beaucoup moins bien. C'est ça. Et ça correspondra pas à leur ligne éditoriale finalement, donc... Voilà, moi personnellement, je suis pas du tout nostalgique de l'ancien Dour, parce que je considère que la musique, c'est un truc qui change tout le temps, et c'est chouette que justement il y ait des personnes qui puissent faire les relais, qui puissent faire écouter des choses, et c'est chouette qu'on puisse continuer à la Dour pour découvrir des choses, quoi. Mais parlons un peu de l'ambiance alors, parce que c'est avant tout, c'était déjà le cas il y a plus de 20 ans, c'est peut-être encore le cas maintenant, mais on allait à Dour pour aller à Dour aussi. Oui, c'est tout ça. À fait. Alors, je crois que l'ambiance entre guillemets festival reste la même. Mais je crois qu'avant, on n'avait pas tant de concurrence, on n'avait pas tant de festivals, et donc on s'imaginait peut-être que l'ambiance Dour est exceptionnelle, parce que finalement, on faisait peut-être deux autres festivals qui n'avaient rien à voir. Mais maintenant, je crois qu'en Belgique, on a quoi ? On a des dizaines de festivals, on a le Tomorrowland, on a les Ardentes, on a plein d'autres festivals qui ont atteint plus ou moins le même genre de taille. Et moi, du coup, je me balade un peu de festival en festival l'été, et ce qui est amusant, c'est que finalement, tout le monde dit la même chose dans chaque festival, quoi. Ah, l'ambiance à Esperanza, c'est inimitable, on campe, on rencontre des gens, l'ambiance à Dour, c'est inimitable. Et finalement, c'est un peu toujours le même témoignage qui revient. Alors, Est-ce que, voilà, peut-être que l'expérience de jadis était peut-être renforcée par le fait que simplement il y avait moins d'autres festivals et que... Moins d'offres. Ouais, moins d'offres. C'était ouais. peut-être simplement l'expérience festival au-delà de l'expérience festival de Dour qui était... voilà. Et encore cette année, à Dour, on me disait, il faut absolument que tu viennes au Cabaret Vert. Tu verras l'ambiance là-bas. C'est vraiment incroyable. On n'a jamais vu ça ailleurs. Bah, donc, mais donc j'ai l'impression que chaque festival joue un peu là-dessus aussi en se disant, ah oui, mais chez nous, c'est comme nulle part ailleurs. Mais au final, lorsque tu es festivalier en festival, bon ben... Bah, tu fais un peu toujours la même chose, quoi. Tu bois des bières, tu campes, tu rencontres des inconnus, tu dors c'est peu ça. Et tu écoutes la bonne musique, ou en tout cas la musique. Et tu sens mauvais au bout de 3 jours. Et tu sens voilà, c'est même au bout d'un jour. Et tu fais la file pour prendre la douche, voilà. Ouais. Ouais. On parlait, tu parlais Ardente, tu parlais Tomorrowland. T'as donc fait d'autres festivals aussi cet été Alors bah oui, moi du coup j'essaie quand même de mélanger les petits et les grands. Alors bon, j'avais un programme ambitieux que j'ai pas respecté, mais je commence toujours moi par le Panorama, qui est un très très chouette festival sur le terril de Hiercheuse et qui est gratuit. Et donc c'est vraiment un tout petit festival de découverte qui se fait souvent le dernier week-end de juin, donc les premiers beaux jours plus ou moins. Et sur lequel c'est vraiment de la pure découverte. C'est un festival qui est à peine électrifié, puisqu'il faut monter tout le matériel en haut du terril. Donc on a juste un groupe électrogène qui alimente le minimum. Et puis, voilà, et puis du coup, on s'arrête avec le coucher du soleil lorsqu'il n'y a plus de lumière, le festival est terminé. Donc c'est une ambiance pique-nique assez chouette, assez familiale. Qui pour une fois, et qui justement est peut-être une expérience unique, mais le Super Vue Festival sur un terril à Liège n'avait pas existé, donc il semblerait qu'à chaque fois on trouve une formule et peut-être qu'on la, ouais. Ouais. On la duplique un peu. Donc il y avait le Panorama, il y avait les Ardentes, il y avait donc Dour, il y avait Esperanza, il y avait le Cabaret Vert, il y avait le Micro Festival aussi, voilà, il y avait beaucoup de choses dans le planning. Bon, j'ai pas tout fait, mais c'était déjà pas mal quand même. Qu'est-ce que t'as pas fait de Cabaret Vert Cabaret Vert, finalement, non, j'ai pas fait. Puis l'affiche était assez similaire à Dour, finalement. Donc, en termes de travail, de reportage, ça semblait assez similaire à ce qu'on avait pu déjà récolter à Dour. Mais peut-être l'année prochaine. Et puis, alors, le Super Vue, j'avoue que je me suis un peu dégonflé. Ça avait l'air super, l'affiche du Super Vue à Liège. Donc, mais la pluie, là, m'a vraiment découragé. Donc, voilà. Et finalement, le micro-festival tombait aussi en même temps qu'Esperanza. Donc, voilà. Il y a des choix à faire. Il a fallu faire des choix. N'ayant jamais fait Esperanza, j'ai choisi Esperanza aussi cette année, quoi. Ouais. Bon, on va s'attarder quand même sur Dour. Dans cette programmation, il y avait effectivement une part belle. J'ai envie de dire aux artistes émergents, mais plutôt rayon hip-hop, si j'ai bien compris le truc, avec les critiques qui ont suivi, parce que moi j'ai suivi ça bêtement sur les réseaux sociaux, j'ai vu aucun de ces groupes évidemment, et je n'ai pas lu que des bonnes choses positives à ce sujet-là. T'as suivi un peu cette journée hip-hop, et on écoutera oui. juste après un titre. Alors bah oui, du coup, donc ça commence. Faut aussi dire que Dour a été étendu à 5 jours, hein, donc ça a commencé le mercredi, donc raison de plus pour aller dormir tôt parce qu'il faut tenir longtemps. Et on avait vraiment un mercredi hip-hop. Tous les jours, on avait pas mal de hip-hop, mais ce qui était fort intéressant là, c'était quand même Damso et VALD. Mm-hmm. Le mercredi 12, j'avais vraiment envie de voir ça, parce que c'est vrai que Damso, c'est un peu le rappeur qui a explosé, quoi, ici en 2 ans. Voilà, il a récolté quoi, disque d'or ou le disque de platine là récemment. Produit par Booba. Hein. Donc alors après, c'est sûr qu'il y a, y a toujours des dénicheurs. Hein, mais enfin, voilà, personnellement, moi, Booba, c'est quelque chose que je peux apprécier sur certains titres. mais je crois que bon, on pourra peut-être écouter un titre de Damso, mais je pense qu'il est c'est moins naïf que ce qu'on pourrait croire. Et en termes d'esthétique, il y a quand même des sons qui sont intéressants. En termes d'énergie, ben voilà, puis le public est là, quoi, franchement, ceux qui se sont plaints, je crois, de cette journée rap n'étaient pas au pied des scènes, tu me diras, c'est logique, mais les scènes étaient vraiment pleines à craquer, ouais. Les shows étaient vraiment de qualité, si on aime le rap, et je crois que c'est un style qui se développe de plus en plus, un peu comme ce qu'on a pu connaître même avec le rock, quoi, c'est-à-dire qu'il commence enfin à se diversifier, il y a plein de styles différents qui émergent, il y a des courants qui se succèdent les uns aux autres, et on n'est plus du tout dans l'optique hip-hop, un peu rap conscience, années 90, MC Solar, IAM, le truc... on est très loin en fait de tout ça, et je pense même que la chanson française se déplace beaucoup vers le rap. Ça devient de plus en plus populaire en fait, c'est plus du tout un style de niche. Et donc, voilà, mais malgré tout, il y a des artistes qui émergent, des artistes qui font des carrières très rapides. Et donc, Damso, c'est vrai que c'est un peu une curiosité. Mais on peut peut-être écouter un titre. Comment faire un tube. Comment faire un tube, voilà, qui nous révélera peut-être la réflexion de Damso. Et peut-être, si certains veulent suivre son exemple, quelques trucs et astuces pour percer dans le rap game. Allez, donc Damso, comment faire un tube. Ensuite, on se retrouve avec Mood pour Books on the Radio. Hein. On est sur la tranche de 9h et donc on va vous parler bouquins. Et puis on reviendra évidemment, deuxième partie de cette interview, de cette rencontre avec Justin qui est avec nous, qui nous accompagne, qui était notre reporter défricheur aussi, non? Un petit peu. Hein. Un peu, allez, un peu. On essaye. Allez, Damso, comment faire un tube. Ouais, si, c'est chez les canards. Comme quoi, tous les canards vont à la mare. Comment faire un tube? Faut parler de drogue, de sexe, de sky, de maille et de pute. Prendre le flow de Migos, Versace, Versace, changer de trois trucs. Ensuite tu parles de la weed que tu ne vends pas. Ensuite tu parles de la vie que tu ne vis pas. Et puis tu parles de gun, calache, etc. Bref, comment faire un tube? Il faut que tu tapes des flows. Tu kicks le beat des beats sur le mic si il le faut. Tu dédicaces ton crew mais pour ça faut bien le faire. Du genre dans ce motherfucker PG gangster. Là c'est bon, t'as le flow, t'as les rimes, t'as le thème. Tu parles de quoi? Parle de pute que t'as ken, pas truc à l'ancienne. En vrai il faut que tu rappes sans thème. Fais pas comme le dem, choisis une prod juste pour les scènes avec des basses. Ouais, ça c'est bon. Et puis tu rajoutes des claps, puis tu rajoutes des hits dans le beat, tu kicks comme ambiance big, genre. Elle s'excite seule avec mon sexe sensible. Attends, je sais que je suis le seul à l'avoir extensible. C'est le 767ème boule que je kill. Je suis un leader, meneur, winner, joueur, crooner, là où c'est bon. La foule vient de valider le son. Il faut juste un peu varier le ton. Enchaîner sur un flow qui fait dévier le fond. Du genre, damn some motherfucker PG Gangs, ego. Qui m'aime like me fuck, hello. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ouais, en fait, non, attends. Là, maintenant, il faut encore le refrain. Ouais, tu rajoutes un vocodeur, tu parles de bitch, tu parles de ce que tu veux, tu vois. Là, genre, y a les potes qui vont faire une soirée, Bassman, donc je vais faire un refrain sur ça. Tu t'inventes. Genre, maintenant, il faut que tu mettes le vocodeur. C'est bon, vas-y, teste un peu. Bassman. Défoncé, je crône à la Bassman. Yo, j'rejoins mes youves à la basement. J'vais plus avoir les love à la basement. Hey yo, basement, basement, basement. Yo, défoncé, j'croune à la basement. Yo, j'rejoins mes youves à la basement. J'vais plus avoir les love à la basement. Hey yo, basement, basement, basement. Je crône à la basement. Hey yo, j'rejoins mes youves à la basement. Yo, j'fais plus voir les lobes à la basement. Basement, basement. Non mais tu vois, là maintenant il te faut un beat qui va vraiment avec le thème du son pour le tube, tu vois. Donc il te faut, voilà, ce genre de beat. Donc tu reprends le même délire, tu racontes n'importe quoi, mais avec un flow. Ouais, tu le modifies vite fait. Et tu te laisses aller un peu, tu t'entraînes. Yo, attends. Yo. Yeah. Yo. Hey yo. Basement. Défoncé, je crône à la basement. Yo. J'rends jamais you à la basement. Yo. J'fais pleuvoir les love à la basement. Sky dans les verres, je fly à la basement. Pedro dans les veines, je crône à la basement. Dans les chapeaux, j'suis deb, j'ai des fleurs à l'américaine. Un gros boule vient me check, mais je nie cette salope, j'avais déjà ken. En plus, j'ai la flemme, j'suis pété, j'suis à la traîne. J'vois que la biche se déchaîne, ses allures de chienne m'appellent pour une soirée mondaine à la basement. Ouh. Mais j'suis bourré, j'suis bourré, j'suis deadstone avec Eddie. Ah, c'est bon, t'as ton début tube. Tu peux continuer, tu fais ce que tu veux. Voilà, qui m'aime like ou me follow. madame, ce motherfucker d'aime, septembre calme. Yo, au pyjama, fuck. Tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous. RQC. One line. A paper. A sound. Books on the radio. Allez, Books on the Radio avec le bouquin Le couple d'à côté de Shari Lapena. Mm-hmm. Voilà, auteure canadienne. Ah oui, tu fais tu ça, oui, j'aime bien le Canada. Tu poursuis ton tour du Canada. C'est ça, voilà. Ils ont de très très bons auteurs. Alors, Le couple d'à côté raconte l'histoire de Marco et Anne qui sont invités chez le couple d'à côté, voilà, chez leur voisin pour une soirée d'anniversaire du mari de la voisine. Voilà. Sauf que Anne a accouché 9 mois auparavant, que la babysitter leur a fait faux bond. Ah ouais. À 18h, alors qu'il devait être là à 19h chez les voisins. Donc se pose la question, est-ce que on va quand même chez les voisins ou pas? C'est ça. Son mari Marco lui dit si, on y va, on prend le babyphone. Et s'il se passe quelque chose, de toute façon on l'entendra, c'est juste à côté. Bon. Jusque là, ça va. Il y a des gens qui font des choix. Il y a des gens qui font des choix. Donc, ils vont quand même à cette soirée. Ils boivent un peu trop. Toutes les demi-heures, ils vont quand même voir si le bébé va bien. Mmh. Et puis, ils rentrent vers 1h du matin. Mmh. Et plus de bébé. Ah ouais. Donc, le bébé a disparu. Mmh. Alors, s'en suit forcément une enquête de police, vu qu'il a sûrement été kidnappé. Mais les soupçons vont bien vite partir un peu sur tous les personnages du bouquin, dont la mère qui est dépressive, qui a le baby blues, comme on dit, qui est dépressive depuis la naissance de sa fille. Le père qui a des problèmes économiques avec sa boîte. Mmh. Et le couple d'à côté qui est assez bizarre. Puisque la voisine est une belle créature, voilà, on va dire ça comme ça, qui a tenté de séduire Marco durant toute la soirée la veille. Et aussi les parents de Dan, qui sont très riches en fait. Oula. Et le couple d'à côté n'a pas d'enfant. Le couple d'à côté n'a pas d'enfant. Donc on pourrait imaginer que, deviner que... Eh bien non, ce serait bien trop facile. Je m'en doutais que tu allais dire ça. Ce serait bien trop facile. Alors, bien sûr, dans l'enquête, il n'y a pas de traces d'effraction dans la maison. Il n'y a pas de traces de pas. Y a pas, on ne trouve rien du tout dans la maison. Mm-hmm. Et donc, à part une voisine qui aurait vu une voiture sortir du garage à minuit 35. Il faut savoir qu'au Canada, les garages restent ouverts. En fait, tout est ouvert. Chez eux. Donc même leur baraque, tout est ouvert. Et les garages, en fait, peuvent servir pour n'importe quoi, n'importe qui. Donc voilà. Et la voisine a vu une petite voiture sortir du garage à minuit 35. D'accord. Bon. Quand voilà. Tu dis ça, tu dis rien, en fait. Non. D'accord. Et donc, il va se passer plein de trucs. Il y a un gros rebondissement, mais à la fin. Alors... Vu l'épaisseur du bouquin. Mais ouais, hein. Ça a l'air quand même conséquent. C'est quoi, 700 pages? Non, quand même pas. Ah. Si, ça gère tout le temps. 500 hein. Non, 300 et quelques. Presque bon. 400, allez. Voilà. C'est long. Mon Dieu que c'est long. C'est vrai? C'est très long, voilà. C'est long pour arriver à la fin. C'est long parce qu'en fait, on décortique complètement la vie des parents. Mm-hmm. On décortique un peu la vie du couple d'à côté. Ouais. Forcément, alors il y a plein de petites histoires, de petits secrets qui vont éclater au grand jour, mais voilà, c'est pas non plus un grand bouquin. Ah. Voilà. Bon. Donc tout ça pour le kidnapping des gosses. D'accord. Voilà. Pourtant, quand tu l'amènes comme ça, ça a l'air... Ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air pas mal. Hein. Ça, ça a eu c'est un gros succès. C'était un des livres qui était attendu en thriller, en tout cas, cette année. Mm-hmm. Déçu, complètement. Bon. Voilà. Donc, si vous voulez un petit bon livre tranquille chez vous, où il n'y a pas d'hémoglobine, où il n'y a rien... Et tranquille, voilà. C'est ça que t'es déçu, en fait. Et non, mais non, non, non, ça, pourrait, ça aurait pu être intéressant si il était peut-être pas aussi long. C'est ça. Voilà. Bon, sans rien dévoiler de la fin, mais tout se tient quand même à la fin, ou bien il y a vraiment une vraie surprise, et, voire même une incongruité. Bah, vraie surprise, ouais, un petit peu, même si bah, on soupçonne quand même tout le monde, hein, donc, dans le bouquin. C'est un grand cluedo. C'est ça, voilà. tout ce qu'on sait, c'est à l'endroit où elle a été kidnappée, donc c'est déjà pas mal. Alors, il y a plein de choses qui se passent dans le bouquin et tout. Voilà, à la fin, mais c'est un peu capillotracté, comme on dit. La fin est un peu capillotractée, quand même. Bon. Faut bien l'avouer. Ok. Shari La Peña, ouais. Je sais pas si j'ai bien son nom. La Peña, ouais. Et c'est le couple d'à côté. Voilà, c'est ça. Bon. C'est ouais, sorti chez Françoise Hir. Et ça pourrait, ouais, ça pourrait passer au cinéma, ce truc. C'est... Ouais, complètement. Et si ça passe au cinéma, c'est plus... Bah, thriller psychologique, hein, on va dire ça comme ça, voilà. Quand même, quand même. Ouais. Justin, t'aimes bien les thrillers, tout ça? Moyennement, ça dépend lesquels. C'est vrai que je suis plus sensible aux univers qu'aux trames. Ouais. Alors Twin Peaks, par exemple, voilà, c'est pas un thriller. Oui. Voilà, mais oui, après, le... comment dire, les codes de l'enquête sont pas toujours évidents à détourner, quoi. Ouais. Et donc, ouais, donc j'aime modérément, en fait. Parce que si tu connais, je sais que tu connais Canard, mais on a une séquence à 21h, on parle souvent bouquin, et c'est souvent c'est tout le temps des thrillers. Thrillers, polars. Vous noircissez un petit peu les trucs, quoi. C'est ça. Bon, allez, une petite pause musicale. On parlait de Dour, on va aller à Mons, c'est pas très loin. Nous sommes dimanche, on va choisir un album qui s'appelle Call Ho It's Sunday. Et le premier titre de cet album, c'est Ho It's Sunday, comme ça reste bien sur le dimanche. Et c'est Iban Cole qu'on avait reçu ici, puisqu'il joue dans Life of an Owl in Alaska. Oui. Voilà. Son projet solo, Iban Cole avec Ho It's Sunday. Et puis, on se retrouve... pour une partie de l'interview, et on reviendra aussi sur l'album de la semaine, bien évidemment. Ho, It's Sunday, extrait de Call Ho, It's Sunday, Iban Cole. Ça pourrait faire partie des, dans le temps, des artistes émergents sur la scène de Dour, rayon post-rock. Il y avait un peu de post-rock à Dour ou pas? Alors du coup, on parlait quand même de la... comment dire, de la potentielle disparition des guitares à Dour, mais il faut quand même pas être aussi catégorique. Il y a une scène qui est réapparue depuis 2-3 ans, je crois maintenant, qui est le Labo, ouais. Où se concentrent quand même pas mal de concerts plutôt rock quand même, et quand même plutôt indépendant. Et donc c'est un groupe qui aurait pu trouver sa place. Alors je pense pas avoir vu de groupe de post-rock cette année, mais il restait quand même des groupes rock, un peu mat-rock. Il y avait notamment, tu sais, les Women, les Glass Museum, là de la région, ouais, on les aime bien. Ouais, on leur fait coucou d'ailleurs. Pourquoi pas. Il y avait quand même matière à satisfaire tous les goûts. Bon, c'est bien. T'as eu un coup de cœur quand même? Alors donc c'est vrai qu'il y a quand même un élément intéressant, c'est que donc on sait bien Dour, ça devient de plus en plus électronique, c'est de plus en plus de machines, de moins en moins de guitares, d'êtres humains, de sensibilité, de plus en plus de froideur, et puis tout d'un coup, beaucoup de gens m'ont conseillé en fait d'aller voir un groupe le samedi, à ne pas manquer, un groupe allemand qui s'appelle Meute, et c'est sans hésiter je crois la découverte. Alors Meute c'est quoi? C'est un marching band, donc c'est une fanfare. Qui fait de la techno. Et donc, en gros, on a vraiment le gars qui tape sur sa grosse caisse et qui fait vraiment le boum, boum, boum, boum, boum, boum. Et donc, le résultat est assez étonnant. Donc, ils reprennent plein de morceaux house. Je pense notamment, ils reprennent Disclosure, You and Me, qui est un morceau un peu connu, là. Ils ont un répertoire un peu de reprises électro, techno. Et donc, je vous propose peut-être d'écouter ce que ça donne. Allez. Il y a un titre, un classique de la house qui était sorti en 2005 qui s'appelle REJ, je dirais plutôt REJ, et donc qui était initialement un morceau de Ham et qui a été repris par Meute. On peut peut-être écouter ça pour que vous fassiez une idée de ce que ça peut donner. Mais grosse ambiance, c'est la fanfare techno. Fanfare techno. C'est leur accroche, le techno marching band. C'est parti. C'est Meute des Allemands. jusqu'au dernier éclat pour vous la laisser. Ça remue la tête hein, dans le studio. Ouais, non, c'est vrai, ça remue la tête. Mais ça marche bien. Ouais. Ça marche bien. Clairement pour le live. Ouais, bah oui, mais ça reste quand même aussi agréable à écouter mm-hmm. en appartement. C'est vrai. Éventuellement. Je sais pas si j'irai jusque là. Avec quelques bières, pourquoi ouais. pas, pour cuisiner. Cuisiner. Pas. Pour se donner de l'énergie, quoi. Non, mais donc vraiment très bien. Donc voilà, donc vous imaginez, quoi, ça met le feu hein, en festival. Une fanfare quoi, qui joue la techno. Bon. C'est vivant, quoi. On voit enfin les trucs, il se passe des trucs. Quoi. Ça change de l'homme qui appuie sur des boutons mystérieusement dans l'obscurité. Là, on voit ce qui se passe. Enfin, voilà, il y a quelque chose auquel le regard peut s'accrocher. Donc, et puis voilà, on sent la vie. Donc, meute. Bien. Dans les rencontres plutôt en off, tu disais où tu peux croiser des musiciens, tu as croisé. J'allais dire qui principalement, la presse, je suppose, mais... Oui, mais voilà. Comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut quand même dire aussi avec Dour, c'est que... voilà, je crois que c'est une autre qualité du festival, c'est qu'ils n'ont jamais oublié les groupes locaux. Il y a quand même toujours un tremplin. Il faut quand même toujours une certaine qualité pour accéder aux scènes. Mais donc, cette année, il y avait quand même pas mal de groupes belges, francophones. Donc, forcément, nous, on travaille plutôt sur la proximité dans nos capsules, donc pour nous, c'est des personnes qu'on a envie d'interroger, et ça tombe bien puisque ce sont des personnes qui ont envie d'être interrogées et qui ont envie aussi d'être un peu plus écoutées ou découvertes. Donc, cette année, qu'est-ce qu'on a pu. On a pu interviewer par exemple Mondoré, le groupe de métal Montois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Il y a eu Palgré, c'est vrai que Jeune Orange était assez actif, on a pu interviewer et voir It Anita aussi. Donc voilà pas mal de groupes un peu. Il y avait de la guitare. Il y avait un petit peu de guitare quand même. Bien sûr, faut pas penser qu'il n'y en a plus du tout. Et je crois que les personnes qui pensent qu'il n'y en avait plus n'y étaient pas. Tout simplement. Tout simplement. Donc, c'est beaucoup de découvertes, et puis c'est vrai que c'est un petit monde où chacun on peut se rencontrer, discuter, échanger. Ça reste quand même une passion pour tout le monde, quoi. Donc, tout le monde a toujours quelque chose à raconter, à dire, une anecdote. Et donc, c'est assez convivial finalement. Et la Saba m'offre des bières. Hein. Quand même. Non, quelques fois. C'est vrai qu'il faut quand même reverser l'argent aux artistes de temps en temps. Ok. Il y avait vraiment la Savam qui était là aujourd'hui. Non, ils sont pas dans le truc presse aussi. C'est le running gag. Hein, ça fait 3 ans que tu me parles de la Savam. Mais c'est vrai. Mais maintenant, il y a un rationnement. Tout ça est beaucoup plus sérieux. Mais c'est vrai que pour lier les professionnels, faire une sorte d'happy hour, c'est quand même un temps fort quoi, qui permet de ramener tout le monde au même endroit au même moment. Et comme on en parlait déjà avant, Dour, c'est très dispersé, c'est plein de scènes, un horaire de fou. Finalement, parfois, annoncer qu'on met un verre, c'est la bonne vieille tactique. qui rassemble. Ça marche toujours, qui rassemble tout le monde, qui permet aux gens de discuter, ça permet les rencontres. C'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens par ce biais-là aussi. Donc, c'est du public relation. Ouais. D'ailleurs, public relation, parlons-en. Il y aura du nouveau pour RQC et chez les Canards d'ici quelques semaines. Et ça vient justement d'un public relation. Teasing de fou, j'en dis pas plus. Quel est le suspense. C'est dingue. Question. Oui. Non. Non. Bon. Tu poses toutes les questions. Vas-y. Non, tu poses toutes les questions, je t'en prie. Nous allons parler de rencontres de groupes. Des déceptions, je me doute. Parfois, tu cherches à avoir des contacts et puis ça passe à l'as, oui. quoi. Oui, c'est sûr. Hein, c'est-à-dire qu'il y a d'une part les artistes qui se prêtent pas au jeu. Mm-hmm. Et on peut comprendre. Hein, lorsqu'on fait 200 dates sur un an, si on doit tous les jours faire les interviews, faire 2 ou 3 heures d'interview avant de jouer, ça peut être très fatigant. Et parfois, on répète toujours les mêmes choses. Je pense qu'on peut comprendre tout à fait. Donc, il y a les artistes qui ne jouent pas vraiment le jeu, mais ça fait partie justement du jeu de ne pas forcément être obligé d'y jouer. Il n'y a pas non plus d'interview décevante, en général ça il n'y en a pas, puisque les artistes qui ont envie de parler souvent ont des choses à dire. Et donc ça se passe toujours bien. Et puis il y a aussi parfois les artistes qui se prêtent au jeu, mais qui sont très demandés. Et forcément, il faut être un média national ou un média de... Voilà, il y a une grande audience pour pouvoir discuter avec ces artistes-là. Ou parfois il y a la barrière de la langue lorsque des artistes espagnols. On parle pas toujours... Parfois, il faut un traducteur qu'on n'a pas forcément sous la main. Donc voilà un peu les déceptions qu'on peut avoir. Mais alors, il nous arrive aussi de ne pas interviewer les artistes, mais aussi d'interviewer, bien sûr, les festivaliers. Et donc c'est vrai que cette année on a aussi profité du festival pour parler d'amour, et en fait voilà, on a fait certaines capsules qui consistaient à interviewer des artistes, avoir quelques titres, un peu de la découverte. Et puis on a eu ce deuxième projet qui est un projet peut-être un peu plus de création radiophonique, et qui consiste en faire parler finalement les gens d'amour. Et alors autour d'un livre de Roland Barthes, pour ceux qui connaissent et qui apprécient, et pour ceux qui ne connaissent pas, je le recommande, c'est le fragment d'un discours amoureux. Et donc l'idée était de récolter un peu des fragments. Finalement, je crois qu'il y a tellement de monde à Dour, c'est un bon endroit pour prendre la température, discuter avec des jeunes, les gens ont le temps, flânent. Et donc on a pu poser quelques questions sur ce projet qui s'appelle, donc ce sera plutôt un podcast qui sera peut-être diffusé donc aussi à l'antenne, qui s'appelle « Faut bien que le corps exulte ». Et voilà, il y a une page Facebook pour ceux que ça intéresse, et on pourra bientôt y retrouver le premier épisode. Voilà, faut bien que le corps exulte. Donc voilà. Faudra suivre ça. Hein. Et puis pense, ouais. On suivra ça à l'antenne aussi, évidemment. Bien sûr, pourquoi pas. Allez, on va écouter quand même un peu ton travail. Hein. Tu as eu l'occasion de taper le carton, discuter, courir derrière eux ou pas, je sais pas, avec un groupe de Liège qui s'appelle le Pale Grey. Qui a une actu, puisqu'on approche dans les dates, là, il y a un album qui va arriver tout prochainement. Oui, tout à fait, donc le 13 octobre, la sortie de Waves, donc ouais. je crois que c'est le troisième album, je ne suis pas tout à fait sûr de moi, et donc on y est, on a 5 jours là. C'est ça, c'est le troisième. Et en fait, nous on a eu l'occasion de les interviewer par rapport à l'EP qui venait de sortir, qui s'appelait Ghost. Et donc, je crois que le mieux c'est peut-être encore d'écouter l'interview. Voilà. Et comme ça, on se fera une petite idée de ce qui se passe. On se met en coulisses. En situation dans les coulisses. Vous êtes parti à Dour pendant quelques minutes. Allez hop, c'est parti. Bien, bonjour. Donc, Pale Grey, comment est-ce que vous prononcez? Nous, on le dit Pale Grey. Ok, alors d'où ça vient ce nom? Question très basique, mais. Alors ça vient de simplement du brouillard, c'est une espèce de brume comme ça dans laquelle on se sent bercé dans quelque chose d'assez nébuleux et dans lequel en même temps on peut être, c'est assez triste mais c'est assez enveloppant, c'est quelque chose, une image assez mélancolique qu'on aime beaucoup, donc voilà, notre nom vient de là. Et donc est-ce que c'est le nom parfait pour votre style musical ? Je pense, oui, parce qu'on explore vraiment justement des thématiques et des atmosphères très, très liées à la mélancolie, à la nostalgie aussi, et tous ces sentiments qui sont la beauté de la tristesse, ce genre de trucs. Et on est beaucoup sur des atmosphères et des thématiques qui transportent et qui sont très lancinantes comme ça. Je crois que c'est un nom qui correspond à ce genre de choses. Sun paints on the floor, the framework of my ride. My ripple on the shore blends in with the tide. The daylight is blushing with the heat it imposed. The night is forgiving, it delays the pose. Seaside, I drive my bicycle. On a écouté un peu quelques titres entre deux. On s'est dit que ça avait un côté peut-être un peu Alt J ou Grizzly Bear pour un peu situer Est-ce que c'est des influences? Quel est votre parcours musical par rapport à ce projet? On écoute tous beaucoup de choses différentes. Que ce soit de choses qui issues du domaine de l'abstract hip-hop ou de la pop ou des choses électroniques ou plus folk. Et je crois qu'on essaye vraiment dans Pelgrade d'aller puiser un peu des influences dans tous ces styles différents pour essayer de faire quelque chose d'un peu hybride. Alors oui, je pense qu'on aime bien un artiste comme Al-Jay parce qu'ils ont cette démarche là aussi d'aller essayer de proposer quelque chose d'un peu hybride. On aime bien aussi les démarches de groupes comme No Twist ou même Gorillaz, parce que justement c'est d'essayer de mélanger. Aujourd'hui je crois que tout le monde, enfin toute la nouvelle génération, c'est la génération un peu iTunes qui vont piocher. C'est plus des gens qui écoutent qu'un style de musique, et je crois qu'en plus le festival ici le représente bien, quoi, qui a essayé de rassembler justement toutes les niches différentes. C'est un peu comme ça, nous on écoute plein de trucs différents qu'on essaye de mêler ensemble pour créer quelque chose d'un peu plus original. Alors justement, j'ai cru voir que vous aviez déjà 3 ou 4 albums à votre actif. En fait ici, il y a le deuxième album qui sortira l'automne. D'accord. Mais on n'a qu'un premier album avant et on avait fait un EP. Mais ah, donc oui, là, on a refait un petit EP aussi entre les deux. Donc ce sera notre 4e disque. D'accord, donc vous êtes quand même très actif. En combien de temps vous avez fait ces 4 disques? Justement, on a pris beaucoup de temps. En 6 ans, tout. Ouais, on n'est pas vraiment des rapides. On prend beaucoup de temps de faire les choses. Moi je trouve ça pas mal quand même de faire un disque en 1 an et demi. Enfin, il faut des choses à dire, Non, c'est vrai que la moyenne, c'est parce qu'ici c'est vrai que ça fait 2 ans et demi, même 3 qu'on n'a plus rien sorti. Mais le disque était déjà terminé, mais on a fait des choses toute l'année ici, et donc là cette année il va y avoir 2 disques. Est-ce qu'on peut situer qui fait quoi dans le groupe peut-être? Donc ici, dans cette interview, il y a moi, Gilles, qui suis au chant à la basse. Moi je fais de la guitare, du clavier, je chante aussi. Et puis on a un batteur qui s'appelle Simon et un clavieriste qui s'appelle Yann qui sont en train de boire. Oui, c'est très bien, il faut s'hydrater en festival. Donc vous jouez ce soir à Douvres. Est-ce que vous avez depuis la fondation du projet eu l'occasion, j'imagine, de fouler ce genre de salle? Pour vous, comment vous abordez alors un Douvres? Vous pouvez jouer assez tard, c'est assez chouette. Douvres, c'est vraiment le festival coup de cœur qu'on a pour tout le monde dans le groupe, mais en tant que spectateur en premier plan, on y vient depuis qu'on a 17-18 ans, on va chaque année, quoi. Et alors on avait déjà fait avec le premier album, on avait joué donc il y a 4 ans là. Et donc on est hyper content de revenir ici. En plus les organisateurs nous ont fait pas mal confiance parce qu'ils nous ont placé à un beau spot. Donc on se réjouit vraiment, et je crois que notre univers a quand même beaucoup évolué depuis la dernière fois où on a joué. Et donc on se réjouit de pouvoir le partager avec le public de Tours. Et alors comment vous abordez est-ce que ça vous stresse par exemple la scène? Est-ce que c'est quelque chose qui... Comment vous abordez la scène? Est-ce que c'est de la musique aussi? Ce que vous faites, c'est assez studio, on va dire. Enfin, ça me semblait assez précis. Peut-être, comment dire... Enfin, je vois le côté brumeux, ouais. mais au niveau des sons, les sons sont quand même assez propres. C'est quelque chose... Alors comment vous passez de l'un à l'autre? On est assez producteur, on aime bien traîner vraiment comme des rats de laboratoire dans un local et macérer ensemble et travailler des sons pendant des heures, etc. C'est vrai qu'on a une affection particulière pour la construction des morceaux même. C'est vraiment un bon moment pour nous de s'épanouir dans la création pure. Et après la scène, dans le groupe, on l'aborde tous un peu de manière différente. Moi j'avoue, je suis encore assez stressé avant de monter sur scène, mais c'est un bon stress, quoi. C'est du track qui stimule, et c'est à ce moment-là qu'on se sent le plus vivre, je crois. Donc c'est comme ça que je le vis. Je sais bien que Yann par exemple, il est beaucoup plus décontracté, il a une espèce de distance avec les choses qui lui permettent d'aborder la scène complètement différemment. Ouais, je crois que ça change vraiment d'une personnalité à l'autre dans le groupe, et c'est vrai que ce soit le travail qu'on fait sur les disques en studio ou en live, c'est deux travails complètement différents, en tout cas nous dans la démarche, puisque quand on compose, on ne joue pas nos morceaux, nous on est vraiment, on compose sur nos ordinateurs. Et quand on attaque le live, du coup, on réarrange tous les morceaux, parce que c'est un tout autre travail, et on doit apprendre à les jouer, on essaie de les changer pour leur donner une autre vie aussi, que pour les spectateurs, enfin pour les auditeurs, que ce soit chaque formule de Pale Grey, que ce soit sur disque, que ce soit en session acoustique, que ce soit en live ou des choses comme ça, on essaie de, qu'ils aient de la matière et on essaie d'exprimer notre créativité par ces biais-là. Et vous avez des stratégies pour transposer ça, la scène, par exemple le dispositif scénique Ça dépend à chaque fois. Enfin, on n'a pas vraiment de stratégie sur une manière de transposer pour la scène, mais on adapte à chaque fois et d'une tournée à l'autre, il y a des instruments qui arrivent en plus, d'autres qui repartent. Et donc, il y a beaucoup de machines en fait sur scène. On se pose la question à chaque fois, en fait, on se pose surtout pas la question de la scène au moment de la création d'un morceau. Et puis on essaye de considérer chaque morceau comme un espèce d'objet vivant et malléable qui, sur un album, va se retrouver à un moment M. Et c'est ce morceau-là qui est sur l'album, mais ce même morceau va pouvoir évoluer, va pouvoir s'adapter à son contexte en fonction de la scène, en fonction d'une session acoustique ou si possible, vraiment le rendre le plus élastique possible pour qu'il puisse chaque fois rencontrer les oreilles qu'il doit rencontrer. Et donc concrètement, ça peut varier, les morceaux peuvent... Enfin, vous gardez les mêmes structures quand même ou parfois vous les avez... Non, ça nous arrive de les découper. On garde souvent la grille d'accord. Ok, d'accord. Ah, chouette. Oui. Est-ce qu'il y a un titre qu'on pourrait faire écouter à nos auditeurs? Est-ce qu'il y en a un dont vous êtes particulièrement fier, par exemple? De l'album ou de l'EP? Ce que vous voulez, si c'est trouvable, évidemment. Mais on a évidemment notre nouveau... Enfin, le single de cet EP qui s'appelle Billy, qui est un morceau qu'on a choisi de mettre fort en avant parce qu'il représentait bien toutes les manières dont on a remis en question notre univers musical. Après, il y a le morceau d'ouverture de l'EP qui s'appelle Ghost, qui est lui aussi un morceau qui explore... c'est un morceau à trois temps qui explore un petit peu tout... Enfin, qui est assez bien représentatif des questions qu'on a pu se poser au niveau musical et que de nouveau, sur scène, on va interpréter d'une toute autre façon avec des instruments qui ne sont pas sur le disque, qui seront intégrés sur scène tout bêtement parce qu'ils sont plus légitimes sur scène que sur disque et inversement, quoi. on revient en studio, on a fait la découverte de Pearl Grey, et donc d'une interview dans les conditions du direct moment-là. Alors il faut quand même savoir qu'on est dans un hangar en plein milieu de toutes les scènes, donc c'est déjà un miracle qu'on entende la voix. L'été il fait très chaud, mais on y arrive toujours. Tu passes combien de temps là-dedans? Bah écoute, c'est un espace ouvert de 10h du matin à 1h. Faut faire le calcul, ça fait beaucoup, ça fait 15h. Waouh! Et donc, évidemment, il se passe pas grand-chose avant 14-15h, mais bon, le matin, il y a possibilité évidemment de prendre tous les rendez-vous. Enfin, au fur et à mesure, les artistes arrivent sur le site, et donc il est possible de les contacter, de prendre des rendez-vous, etc. Ah ouais. Donc voilà, c'est un petit monde dans le monde, quoi, on va dire. Et voilà. Non. Oui, puis c'est vrai que c'est. Et du coup, parfois dans la presse, on ne ressent pas toujours l'expérience des festivaliers parce qu'on n'est pas forcément dans les mêmes conditions non plus. Par exemple, pour le parking, il y a un parking quoi, pour la presse, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de problèmes cette année de sortie du festival, je crois, puisque le parking avait été un peu modifié. Mm-hmm. Et du coup, c'est des choses qu'on ressent peut-être moins, puisque on a des espaces qui sont séparés peut-être. Donc, il y a des choses dont on entend parler finalement plutôt que les vivre quoi. C'est toujours Dours, c'est connu pour ça, hein. C'est vaste, son affiche kilométrique. Oui, voilà, c'est vrai que c'est tout est... Et donc sur 5 jours c'est plus de 200 groupes maintenant. Ah oui, voilà, on était à 220 et je crois que ça s'est encore un peu augmenté, donc il faut être impossible de tout voir évidemment, donc mais bon, il y en a pour tous les goûts, donc chacun fait un peu son programme, puis les gens s'échangent les bons tuyaux quoi. Ah, faut pas manquer ça, faut voir ci, faut voir là. Et pour tous les goûts, il y avait une nouvelle scène cette année qui était la scène des boissons énergisantes et qui était qui était très lumineuse. Enfin, ils avaient vraiment fait une scène très contemporaine, on va dire, avec des écrans partout, et puis il y avait du VJing, donc c'était aussi quelque chose qui arrive un peu sur le festival, c'est que l'aspect, puisqu'en effet il se passe un peu moins de choses sur scène peut-être, c'est ce que c'est la boutade de tout à l'heure, on compense finalement par la création visuelle sur des écrans. Mm-hmm. Alors c'est vrai que pendant longtemps Dours targuait un peu d'être le festival sans écran. Mm-hmm. Mais je crois que encore une fois les écrans sont partout, alors si il se targuait d'être le festival sans écran, il serait pas un festival contemporain. Et donc c'était assez intéressant cette scène, ça bougeait beaucoup, puis on pouvait un peu voir des créations finalement qui bougeaient en rythme. Donc t'as beaucoup dansé en plus. Écoute, oui, donc il y a moyen de beaucoup danser. on danse toujours un peu, mais c'est pas l'objet premier de notre présence sur ce festival. Non, mais en tout cas, chouette moment partagé à Dours. J'ai envie de dire, tu reviens presque quand tu veux. avec plaisir. Et puis ce qui est chouette aussi, j'en parlais déjà, c'est qu'il y avait beaucoup de groupes belges, mais je crois encore une fois que les musiques électroniques permettent à chacun de faire son truc un peu dans son coin et d'atteindre le monde avec YouTube. Et donc il y avait beaucoup de producteurs justement de techno, d'électro assez minimal, qui sont assez réputés dans le domaine. Et donc beaucoup de gens voulaient... voulez voir certains artistes techno belges, donc il y a des portes qui s'ouvrent quoi. Bien. Et d'autres qui se ferment. C'était notre revue spéciale Dours avec Justin, notre reporter chevronné. En prévision ici, si on rentre dans une période un peu plus hivernale, tu vas aller voir des choses c'est prévu encore des festivals ou d'autres choses ou alors là ça se calme vraiment, hein, je crois. Je pense qu'il y a quand même au mois de décembre là, il y a la grande mode maintenant des festivals indoor quoi, hein, donc il y a les transmusicales quand même là, qui ont l'air un peu intéressantes. Bon, je crois que Dours aussi font chaque année quelque chose. Le Père Noël est un rocker. Bon, il faudra un peu voir. Moi j'ai pas vraiment de concert en vue prochainement à vrai dire. Ça reviendra, ça bouge avec les saisons. Et donc on peut te retrouver pour que le corps exulte. Il faut bien que le corps exulte. Voilà, il faut bien que le corps exulte sur Facebook. C'est très simple, il suffit de taper « faut bien que le corps exulte ». Et donc vous tomberez sur la page qui est totalement vide, hein, sachez-le, mais ça viendra. Donc ça peut toujours servir, un petit like en prévision. Ouais, et puis il y aura donc des podcasts qui seront... Il faudra voir avec la direction d'antenne ici, hein, mais qui seront... probablement disponible. On en parlera au président. À l'antenne, ici, à la direction du programme. Oui, voilà, donc vous pourrez retrouver un peu tout ce qu'on a fait, voilà, dans, voilà, tous les interviews qu'on a fait, vous pourrez les retrouver du coup à l'antenne, voilà, dans les semaines à venir. Bien. Allez, on va revenir sur l'album de la semaine. Il y a un petit troisième titre, comme toujours, hein, comme chaque dimanche. Ouais. On retrouve le cerveau. Non, cerveau. Alors, cerveau qui vient d'une chanson des Brian Johnstone Massacre. Ah, bon choix. Voilà. Bon choix. Alors, il disait bien, vous pouvez toujours voir l'interview, ils sont pas du tout fans du groupe. Mais c'est juste que le nom sonnait bien, donc voilà, ils ont pris ce nom-là. Ah, le grand bonheur de trouver des noms de groupe, ça... C'est ça, ça on va se creuser la tête. Ça reste un éternel débat. Allez, dernier extrait pour ceux de l'Air of Gods, on va écouter Suicide. Ils seront en concert bientôt ou pas, on ne sait pas. Pas par chez nous, non, ça reste dans le côté de Paris, Paris-Rouen. Bon. Voilà. Mais qui sait. Pourra peut-être prendre contact. Mais j'ai... Oui, j'attends. J'ai déjà pris contact. Vous inquiétez pas. Un petit concert canard ou quoi? Peut-être. Bon, c'est parti. Allez, cerveau. Suicide. Thank you. Cerveau. Oui. Pour l'album de la semaine. Oui. De l'Air of Goods. Franchement. Une petite découverte. Oui, il y a quelque chose. Hein. Ouais. Là, il y a quelque chose. Ils sont bien. Bon, ils sont dans l'air du temps, d'accord, mais il y a quelque chose quand même. Allez, ces gens ont dû écouter des disques qu'on a dû écouter aussi. C'est ça. Il y a de chance. Ceci explique cela. Bon, allez, ben, on arrive déjà tout doucement, mais sûrement vers la fin. Hein. Ouais. Et on est toujours avec Justin. Le temps passe, oui. Il y a un titre qui va terminer l'émission et on t'a laissé le choix. Tu nous as dit Blonde Redhead. Oui, bah oui, c'était quand même un... Puisqu'on termine cette interview spéciale d'Ours, c'était quand même un groupe qui jouait aussi cette année. Qui... Ça fait toujours plaisir de les voir. Enfin, moi, évidemment, je suis pas du tout objectif. C'est un groupe que j'adore et donc voilà... Donc il faut savoir que depuis... alors vous connaissez peut-être le site setlist.fm, mm-hmm. qui est un site qui permet de retrouver toutes les playlists jouées dernièrement par les groupes en tournée. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que récemment, Blonde Redhead a fait une date très particulière puisqu'ils n'ont joué que les titres de l'album Melody of Certain Damage Lemon. Voilà un album sorti en 2000 et donc ça ne rajeunit pas, mais qui avait été pas mal abandonné en fait par le groupe, puisque là on évolue et puis les vieux morceaux on les oublie, et donc c'était une surprise, et donc on espère que ça va peut-être venir par ici, puisque le concert était à Mexico, donc ça faisait un peu cher le voyage. Et donc bah voilà, je vous propose peut-être d'écouter un titre de cet album que j'adore personnellement, et ce titre s'appelle c'est A Cure. Allez. Voilà. Blonde Redhead, Cure pour terminer. Quoi que vous fassiez, faites-le bien, sortez couverts, soyez prudents, à la semaine prochaine. Bonsoir. Merci Justin, à tout bientôt. Merci. Ben oui, à bientôt. Merci à vous. Love. just like me.